Bien le bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir à chaque semaine à être là comme ça, à vous offrir l'excellente musique franco-canadienne. Et cette semaine ne fait pas exception car cette semaine on va entendre entre autres du Patricia Richard et Lenny Galland, il y a aussi du Pierre Guitard, Isabelle Cyr. L'album de la semaine c'est celui de Pontex, Bastion, très bon album. On va entendre également du Michel Russell, Melissa Ouimet, Janie René, en instrumental Alexandra Streliski, très bonne nouvelle pour elle. Et on va entendre du côté de l'Ouest du Nathalie Brault, Jérémy Delicious Sound, Raphaël Buckler et bien d'autres. Restez là, je vous reviens bien sûr avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bien le bonjour, ici Lalonde des ondes, très content d'être avec vous et ça depuis presque 25 ans, je fais cette émission-là et je diffuse la richesse de la musique franco-canadienne un peu partout à travers le Canada, mais ça se fait pas tout seul, j'ai besoin d'aide. Je tiens à remercier Vanessa Elisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. En vol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Vous m'envoyez les coordonnées de ces artistes-là à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. On va commencer ça avec une chanson souvenir, mais en version live. C'est Hurt LeBlanc qui nous offre son grand classique. Tout simplement sous la ligne à Hard, et vous allez voir que c'est un classique parce que durant la chanson il fait chanter le public et vous voyez que le monde apprécie cette chanson là. Donc c'est ce qui va débuter notre bloc des Maritimes. Après quoi, nouveauté de, bon, j'attends l'album d'ici à quelques jours là. C'est une nouveauté qui s'appelle Sirène et Matelot, fait par deux artistes de l'Île-du-Prince-Édouard, soit Patricia Richard et Lenny Galland. Ensemble, ils ont fait un album francophone et je devrais recevoir ça sous peu. Mais pour l'instant, voici la ligne Hard, Hurt LeBlanc. Stop. les parties, mais tu l'as sur la ligne à Hamburg. Français, je suis acadien. On dit que je parle chiac. Tu sais, pas pour chez moi. Pour quand t'es très petit mot, puis dis-moi quoi tu comprends pas. Tu l'as sur la ligne à comme un aveugle, pas de carte ni de navigation. J'ai levé l'ancre, pris ma bouteille, abandonné tous mes fardeaux. Sans raison, sans direction, sans sensation. Laisse aller, suis les couleurs à l'horizon. Dans mon bateau, une voix me guide. Comme une vieille chanson que j'entendais à la marée. Levez les voiles, levez les yeux pour lire les étoiles, la sirène et le matelot. Trop d'années à suivre les règles, trop de temps emprisonné. Une voix bohème, portée par le vent, vient me séduire et me libérer. Sans raison, sans direction, sans sensation. Laisse aller, suis les couleurs à l'horizon. Dans mon bateau, une voix me guide comme une vieille chanson que j'entendais à la marée. Levez les voiles, levez les yeux pour lire les étoiles, la sirène et le matelot. Le vent du nord, les ouragans, le soleil qui me brûle sans pitié. J'accepterai toutes les tempêtes si ta voix m'accompagnait. Sans raison, sans direction. Laisse aller, suis les couleurs à l'horizon. Dans mon bateau, une voix me guide comme une vieille chanson que j'entendais à la marée. Levez les voiles, levez les yeux pour lire les étoiles, la sirène et le matelot. Dans mon bateau. Levez les voiles, levez les yeux pour lire les étoiles, la sirène et le matelot. j'ai hâte de vous faire entendre les autres chansons de cet album-là que je devrais recevoir sous peu, là. Sirène et Matelot, c'est de Patricia Richard de Souris et aussi Lenny Galland, originaire de Rostigot, à l'île du Prince-Édouard. Et ça semble vraiment bien fait et j'ai bien hâte donc, de partager ça avec vous, cet album-là. Quel beau duo en passant. Donc, c'est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est l'activité qui va avoir lieu le 16 août dans le cadre du CMA, du Congrès mondial acadien. Qu'est-ce qui va se passer le 16 août? On va célébrer les 15 ans de Accro de la chanson. Accro de la chanson, c'est un concours de chansons qui se passe dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. Et ça l'incite les jeunes à faire de la musique en français. Écoutez, il y a plusieurs personnes qui sont passées par là, qu'on pense à Caroline Savoie, Jean-Marc Couture, Julie Aubé des Hey Babies, Pierre Guitard, Chloé Bro, Émilie Landry, Sébastien Bérubé, il y a aussi Christine Melançon et bien d'autres. Hein, et ça nous amène à Caraquette, qui nous amène à Granby, et peut-être un jour remporter Granby, comme l'a fait Lisa Leblanc. Donc, c'est vraiment génial comme concours. Et on va célébrer ça le 15e anniversaire, dans le cadre du CMA. Ça se passera au Théâtre du Capitole à Moncton. On va entendre justement des artistes qui sont passés par Accro de la chanson. J'ai pour vous, tout simplement, M. Jean-Marc Couture, Ne parle pas pour moi, 1001 de Caroline Savoie et Fleur Fanny de Pierre Guitard, tous des artistes qui sont passés par Accro de la chanson. Et c'est vraiment intéressant. C'est organisé par la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick, que je salue et je resalue à chaque fois parce que je trouve ça génial. Voici un outil pour continuer à créer de la relève en musique francophone au Nouveau-Brunswick. Surnomme l'homme de peu de mots. Parler un minimum, parfois ça en dit trop. Il m'est difficile de réagir sur le moment. J'ai seulement eu besoin d'un peu de temps. Je prends la chance de m'avancer maintenant. À exprimer le mieux possible mes sentiments. J'aurais bien voulu y arriver à froid. Mais ma force à moi, c'est plutôt ma voix. Aie confiance au silence. No! dérive, les mains qui tremblent encore. S'étrangler, le corps s'effondre encore. Encore. Dis-moi que la lumière reviendra. Je l'attends, je lui ouvre les bras et qu'elle vienne s'emparer de moi. Cauchemar qui s'annonce. Imaginez le pire avant qu'il gronde encore. Encore. Mêlé à un cauchemar que je dessine, la raison s'en va et la peur arrive encore. Encore. Dis-moi que la je l'attends, je lui ouvre les bras et qu'elle vienne s'emparer de moi. Ne laisse que la peur dans mes yeux. La vie qui m'arrache à ma jeunesse me donne un sourire religieux. Une dernière part ou une partie de fesse avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent d'eux. Je ne veux pas vivre au bout d'une laisse. Pourrait me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. Je tu veux m'apprendre à aimer. Je serai l'élève et toi la maîtresse. J'empêcherai ta fleur de faner. Et voilà, je ne dirai jamais assez, accro de la chanson, quel bel outil de formation pour les jeunes dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. On crée la relève et la relève, grâce à ce concours-là, bien, réussit à percer dans le marché de l'industrie de la musique. Écoutez, ils sont entourés par des professionnels de l'Acadie. Et pendant deux semaines, ils travaillent à comprendre comment ça marche une bonne chanson, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une bonne chanson. Et vraiment, il y a plusieurs artistes, la nouvelle génération et la génération qui a précédé, qui font partie de qui ont fait partie de l'accro de la chanson. Wilfred Leboutillier, Maxime McGraw, Jean-François Brault. Jean-Marc Couture, oui. Donc, bravo à la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick. Quel beau travail, lâchez pas. On va terminer avec une chanson tirée d'un album que j'ai reçu récemment d'une artiste qu'on a pu voir dans le téléroman Conséquences, qui était sur Radio-Canada il n'y a pas très longtemps. Je parle bien sûr d'Isabelle Cyr, quatrième album. Isabelle Cyr, auteure, compositrice, interprète. Vraiment exceptionnel, c'est vraiment très intéressant ce qu'elle fait. Je vous ai joué souvent Une nuit sans lendemain. Je vous envoie une autre pièce de l'album Brûle sur mes lèvres. Ça s'appelle tout simplement Une fois. Voici Isabelle Cyr. Sous mes pieds, le son de ta voix, il lui suffit d'une fois, une mèche déplacée du bout de tes doigts, il lui suffit d'une fois. S'enflamme l'ivoire et les peines, que résonnent les murs, que nos quatre mains nous mènent l'aventure. En un frisson sur ma peau, je ne suis plus moi. Voilà que je tombe dans tes bras. La nuit me souffle des mots. Je ne comprends pas, il lui suffit d'une fois. Thank you. voilà que je tombe encore une autre fois. Les yeux levés vers le ciel, je te sers.